Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Des arbres et des hommes, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a les forêts qu'on a dans la tête, le souvenir des journées où l'on grimpait dans les arbres, le contact de l'écorce, les mains vertes et l'impression d'avoir affaire à quelque chose de fort. Alors pour commencer, les personnages, une femme cachée dans la forêt, une autre qui s'y sent bien, une propriétaire forestière, des zadistes sylvestres, des chasseurs, des glaneurs, un berger, des charbonniers, des gestionnaires et des marcheurs. Ensuite le décor, des contes de fées, les Cévennes, le refuge, la lutte, la Bretagne, les cerfs et les sangliers, des chênes, des châtaigniers, des graines et des arbres sacrés. Aujourd'hui, premier épisode, massacre à la tronçonneuse. Il y a une jeune femme qui, depuis peut-être 4-5 ans, vit seule dans les forêts et qui se déplace sans cesse, qui a des problèmes psychologiques. Et sa famille ne voulait pas qu'elle aille en hôpital psychiatrique. Et cette jeune femme a choisi de vivre cette vie-là. Et sa famille essaye régulièrement de lui donner des vêtements, un peu de nourriture, etc. Mais ça se passe ici, entre les vallées. Donc, là où je me sens mieux. Je pense qu'elle est mieux là qu'en hôpital psychiatrique. Je me sens vraiment en forêt. C'est en fait dans des forêts exploitées, bien sûr, mais parce que si elles ne sont pas exploitées, elles sont impénétrables. Et puis c'est d'une tristesse pas croyable, mais des forêts où on peut encore se perdre. Peut-être que j'ai bien aimé me perdre dans la forêt bretonne parce que je la connaissais si bien que même si je me perdais 2 ou 3 heures, je retournais toujours vers un endroit où je me repérais et je pouvais retrouver mon chemin. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. L'homme de la forêt. Mais si une forêt est trop balisée, trop nettoyée, trop entretenue, pour le forestier, elle est sûrement la plus belle. Pour moi, elle n'a pas tous ces mystères, tous ces dangers, tous ces traces d'animaux. Bon, ces petits troubles qui font que, en même temps, on est un petit peu inquiet, mais en même temps, dans un état de perception, peut-être allons jusqu'à dire autre réalité, qu'il y a plein d'autres choses qui passent par là, qui sont là, que je ne chercherai même pas à définir, mais qui vous mettent dans un état de rêverie, de communication avec des histoires plus anciennes. Eh bien, la forêt, elle s'est fabriquée toute seule, d'abord parce qu'elle existait bien avant notre existence. Hein. Disons, en gros, qu'on a 3 à 5 millions d'existences. La forêt, c'est 200 à 300 millions. Donc, effectivement, la forêt a réussi à mettre au point tous les systèmes que nous sommes en train d'essayer, pour notre propre reproduction, de développer. André Corvol. Donc, nous essayons de les copier. Et nous avons passé notre temps à essayer d'être comme les arbres. D'ailleurs, si vous regardez dans l'Antiquité, être changé en pierre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très gratifiant, mais par contre, être changé en arbre, et si possible en arbre qui a des feuilles persistantes, comme le laurier, ça c'est une merveille, et c'est la récompense des gens vertueux ou des couples qui sont devenus très très vieux en continuant quand même à s'aimer. Et oui, parce que alors, dans l'image populaire, si j'ose dire, dans les clichés, la forêt, ça pousse tout seul, c'est sauvage, c'est... D'ailleurs, forêt, ça veut dire en dehors d'eux, hein, étymologiquement, à la fois inconnu, mystérieux, mais vachement attractif en même temps. Hein. Christian Pinaudot. Et donc, on n'a pas l'impression, d'abord, que la forêt appartient à quelqu'un ou à personne. Et en France en particulier, si vous voulez, la forêt est à 75% privée. Hein, donc, elle appartient à des familles de propriétaires forestiers depuis des générations. Alors comme la forêt est ouverte, personne ne s'en aperçoit, si vous voulez. Hein. Donc quand vous allez chercher des champignons, vous promenez, etc., vous vous promenez forcément chez quelqu'un. Soit c'est un particulier, un propriétaire privé, soit c'est l'État aussi, puisque la forêt est propriété privée de l'État, ou une commune, puisque la forêt est aussi propriété privée de la commune. Donc ce qui fait qu'en France, les forêts ont toutes un statut. La plus grande valeur d'un bois, c'est les arbres. C'est pas le... ben, puisque c'est le seul produit marchand. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi en forêt. La forêt s'est codifiée depuis très longtemps. Et au-delà de 25 hectares, un propriétaire doit faire un plan simple de gestion. Donc il faut aussi rassurer les populations. Quand on coupe des arbres, c'est qu'on a des autorisations, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, à partir de là, on est chez nous. Ça se voit d'ailleurs, hein, c'est beaucoup plus beau. On va à gauche, à droite. Ah, oui. À gauche. Janine Bourali. Donc on passe régulièrement, quand même, on sait ce qu'il y a à faire. Là, je sais que, par exemple, dans 2 ans, je vais faire une éclaircie. C'est-à-dire que je vais enlever un arbre sur 2, parce que sinon, ils commencent à se gêner. Ils sont trop grands, ils s'entendent trop bien. Donc je vais choisir, et pas forcément le plus petit. On le sent, je sais pas, il y a une respiration. Et après, ça va en faire quoi, ce bois? Alors, essentiellement, malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici, ça va faire du bois énergie ou de la papeterie. Donc, c'est mal payé, quoi. Moi, j'ai vendu mon bois. J'ai vendu 2500 mètres cubes. 11 euros le mètre cube. 11 euros le mètre cube, ça fait quelques arbres à couper. Et je suis contente de l'avoir vendu. Voilà, on va faire un petit stop. Mais c'est les garçons depuis 3 jours. Ouais. Là, c'est le place, ça sent bon, ça sent la citronnelle. Comment vous en avez hérité, vous, Janine Bourali? Comment vous vous êtes retrouvée ici, là, au milieu des Cévennes? Ben moi, j'ai eu de la chance d'abord d'y naître dans les Cévennes, hein, pas très loin. Et puis, ben, cette propriété, c'était la propriété de la maman de ma maman. Et quand elle est décédée dans les années 72-74, il y avait 4 garçons et 2 filles. Et tout le monde voulait la maison, mais personne ne voulait la forêt. Et mon père a décidé que si personne ne voulait, si maman ça lui faisait plaisir, et ben, il voulait bien acheter la forêt et racheter sa part aux frères et sœurs. Et voilà. Donc en 85, ils ont fait une donation de partage entre ma sœur et moi. Et ma sœur était l'aînée, et donc moi j'ai hérité du reste. Et j'en suis ravie parce que j'ai hérité d'une friche magnifique. La forêt, si vous voulez, a toujours été un sujet stratégique pour le pouvoir, parce que la forêt, c'est avec le bois, c'est le premier matériau dont les hommes se sont servis. C'est aussi de l'énergie, une source d'énergie. C'est la nourriture avec les fruits, les animaux, etc. Donc ça a toujours été un sujet stratégique et depuis les premières monarchies, la forêt a toujours été protégée, entre guillemets, fait l'objet d'édits extrêmement, des ordonnances extrêmement précises et la gestion soutenable, puisqu'on appelait ça à l'époque comme ça, existe depuis des siècles. Ça veut dire que depuis des siècles, le pouvoir a réglementé l'usage, les usages de la forêt. Et il y a d'ailleurs, dans certaines parties de la France, ce qu'on appelle des droits d'usage, qui remontent au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et puis, la forêt a des fonctions. Elle a des fonctions de production, elle a des fonctions de protection, elle a des fonctions sociales ou environnementales. Tout ça, ça doit se conjuguer, et la gestion forestière, c'est ça. La forêt avant, on va dire jusqu'aux années 50, était un espace pleinement habité. Non seulement par les bûcherons, les gens qui ramassaient du bois, et par les gens des villages qui avaient un rapport extrêmement quotidien aux forêts. Et donc il y a eu un moment donné en fait, où ce lien intime avec la forêt a disparu. Jean-Baptiste Vidalou. Et ne sont plus restés dans les forêts que les techniciens, que les forestiers. La forêt a été abandonnée par les gens qui y habitaient et par le reste de la population. Donc en fait, quand je dis j'ai écrit ce livre pour donner aux gens de revenir en forêt, c'est pas simplement pour s'y balader, c'est pour y faire des choses, c'est pour y travailler, pour couper du bois. Il y a des usages à retrouver, d'autant mieux qu'ils sont collectifs. T'as une lampe, toi? Ah, il est bien. Il faut venir gratter un peu. Hein. La forêt, c'est d'abord une figure, un concept. Bon, tu viens jusque-là. Il faut voir, hein. Tu as un bouton de pierre. Tu vois, ici, il y a une petite retenue d'eau. Et ce truc-là, ce que tu vois, ça s'arrête à peu près à 20 mètres. Mais en fait, il y a 54 mètres. Et ça a dû servir de cache du temps des camisards. Il peut y avoir de la forêt en ville, il peut y avoir de la forêt dans une émeute, il peut y avoir de la forêt dans les esprits. C'est-à-dire que la forêt, c'est une manière de se rapporter aux espaces. Dès qu'il y a une forme de retrait hors de la civilisation, dès qu'il y a un combat qui est mené, peut-être qu'il y a de la forêt qui naît. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est déjà Ernst Jünger qui avait écrit ça dans le Traité du Rebelle. Et il disait en effet, voilà, la forêt, dans l'imaginaire occidental, c'est le lieu du refuge, mais c'est le lieu aussi de la contre-attaque. Et un champ d'action. C'est un champ d'action. Donc il n'est pas étonnant que beaucoup d'endroits où se passent des luttes aujourd'hui, notamment contre les grands projets inutiles, se passent en forêt ou à proximité de forêt, ou dans lequel un espace sauvage ou ensauvagé peut réapparaître. Et c'est ce qui fait toute la force des ZAD, des zones à défendre. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, Roibon, Bure, etc. C'est une stratégie de base, choisir les endroits où le pouvoir n'a pas cet œil omniprésent et qui est quand même assez efficace. Donc de tout temps, c'est évident que le pouvoir impérial a une peur farouche de tout ce qui n'est pas visible, de tout ce qui est surgissant. Regardez l'exemple de l'Empire romain. Pourquoi est-ce que l'Empire romain a déforesté massivement les forêts où il étendait son empire? C'est non seulement pour étendre les espaces de culture dont il avait besoin pour nourrir sa population, mais aussi pour empêcher les attaques surprises des rebelles, évidemment. C'est évident. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise les drones dans toute opération de police et même en forêt? C'est pour pouvoir regarder depuis le haut le mouvement de ceux qui essaient de se défendre. On prend l'exemple de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu non seulement un usage massif des hélicoptères, mais de plus en plus des drones. Parce que c'est une manière de rendre visible des endroits qui, a priori, ne le sont pas. ça. Ok. Ça, c'est celui que je veux l'autre jour. Un trouble. Parce que bon, les gens ont souvent très peur de la forêt. Combien de fois on est arrivé dans cette forêt bretonne en disant « Mais t'as pas peur là ?» Surtout que j'ai vécu beaucoup seul là-bas. Mais ce sentiment que des choses existent, des choses arrivent, on ne sait pas vraiment quoi, et ça continue à vivre là sans qu'on puisse les nommer. On me dit « Les voisins sont loin, on peut toujours crier. » Depuis peut-être, moi je sais pas, 4-5 ans, puis j'y vais plus. Avant, on allait faire une petite tournée pour voir des champignons et tout ça. On y allait. On dit vraiment pas loin. L'homme se déplace sur de grandes distances. Il a besoin de repères et de protection. Trouver un arbre qui a des branches très puissantes et basses, ça constitue un refuge. Mais en même temps, grâce à l'arbre, vous avez des oiseaux, des rongeurs, des proies qui, pour l'homme, sont faciles à chasser. Des sangliers, oui. D'autant plus faciles à chasser que, grâce aux arbres, il y a des fruits et que ces fruits permettent d'attirer le gibier. Pourtant, on les entend pas un peu, les renards. C'est étonnant. Et donc, l'homme, qui est futé comme tout, tout de même, a en même temps que lui, déplacer des fruits des arbres qui avaient un intérêt pour le gibier. Le garde. C'est ainsi que l'on a répandu des couverts à base de chêne, parce que les glands ont une grande importance pour l'ensemble des ongulés. Et comme l'homme chasse le sanglier, le cerf, le chevreuil, eh bien, il a besoin d'avoir la présence de chêne, donc il diffuse les glands. Parce qu'il a, maintenant, il pense à des coupes, il appelle ça des coupes. Donc enfin, l'homme a modifié les couverts forestiers en y introduisant des essences qui lui étaient utiles du point de vue de la chasse. Mais également, il a modifié cette forêt pour les besoins agricoles. Ça les détruit, les forêts. Au néolithique. Les forêts, elles sont plus si belles qu'il était. C'est l'agriculture. Avant, il était. À partir de ce moment-là, la forêt va être modifiée pour obtenir des parties beaucoup plus claires qui vont permettre d'accueillir progressivement de plus en plus d'animaux. Ces animaux domestiques rentreront en concurrence avec les animaux sauvages. Allez, filles. Elles sont allées voir s'il restait quelques pommes. Fed, belle à qui. Mais je leur en laisse pas trop parce que c'est comme je veux faire du jus de. Là, c'est le fond de la rivière, du Gardon. Ici. Oui, ça, c'est ça, voilà. On voit ici, par exemple, ici, donc, il y a les châtaigniers. Et on a ici aussi des oliviers, hein, une olive, ok. Je vais avec mes brebis d'ailleurs pour nettoyer, chaque fois on demande de nettoyer. Il y avait plus de 3000 oliviers. Jacques Verset. La dernière grosse culture ici à Mialet, ça a été des oliviers. Parce qu'il y avait en même temps des moulins. On doit changer les meules pour servir à la fois de grains et pour les olives. Voilà. Donc, vous êtes là avec vos brebis partout. Oui, oui, oui. Je suis le berger du. Et on me demande partout de passer. Donc j'ai nettoyé tous les bords des gardons. Parce que ça a pas de frontières, hein. Les brebis, ça va aller. Alors là, c'était des arbres, des forêts complètement différentes, hein, puisque c'était beaucoup de feuillus, etc. Et on avait des arbres fruitiers, qui étaient des pommiers, des pruniers. On a retrouvé des bogues de châtaigne fossilisées. Mais ça ne veut pas dire forcément que la culture était. Voilà. parce qu'on dit que c'est plutôt au Moyen-Âge qu'on a pu greffer, qu'on a amené après d'autres espèces. Donc cette forêt était complètement différente. Après, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une région qui a été extrêmement peuplée, très peuplée. Du même coup, l'espace laissé aux arbres a été extrêmement calculé. C'est pas forcément, on a toujours l'impression que c'est vaine naturelle, hein. C'est à mettre quand même en perspective. Est-ce qu'elle a changé la forêt de votre enfance, est-ce qu'elle ressemblait à ça? On peut dire que si on regarde l'espace a changé. La forêt, c'est un peu plus différent. La forêt se débrouille, si on la laisse, ça se débrouillera. Mais on a des photos du début du XXe siècle, on voit que l'espace était beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, il se referme à beaucoup de niveaux. Hein, il se referme par rapport aux arbres, il se referme par rapport aux clôtures, les gens s'enferment, et il se referme par rapport aux mentalités aussi. Et voilà. Aujourd'hui, les forêts sont perçues avant tout comme un lieu d'espace, de loisirs, de distraction. Pendant très longtemps, la forêt a été avant tout un lieu industriel. Par conséquent, vous ne risquiez pas de me perdre. J'allais dire, vous n'étiez jamais seul en forêt. Les forêts d'antan étaient très bruyantes et très animées, parce qu'il y avait de nombreux artisans en forêt. D'abord, il y avait des ateliers en forêt. Les sabotiers, par exemple, travaillaient directement en forêt. Si vous vouliez avoir un sabot particulièrement joli, vous pouviez en forêt aller le commander, parce qu'on savait où étaient les ateliers. Alors, de même, vous aviez les cendriers. Ils fabriquent des cendres. C'est-à-dire qu'ils interviennent une fois que la forêt, qu'un canton forestier a été exploité, pour enrichir le sol. On brûle les déchets de l'exploitation forestière, que l'on appelle rémanents, et c'est là qu'eux interviennent pour recueillir les cendres. Il y a tout un commerce des cendres. Autre exemple, les cercliers. Ils ont disparu. Le tonneau, c'était le récipient de base. Il servait aussi bien pour abreuver les bestiaux que pour prendre un bain, ce qu'on voit régulièrement d'ailleurs dans les westerns ou dans la bande de Lucky Luke qui se nettoie avec une grande brosse à l'intérieur d'un tonneau, mais également pour transporter le poisson. On salait à l'intérieur du tonneau et on mettait le poisson. Donc tout passait par le bois. Le bois, c'était le plastique, le pétrole, l'acier, le verre de notre époque. D'où le nombre de métiers qui travaillaient toute l'année en forêt. Et donc, ces ouvriers du bois qui vivaient à l'intérieur de la forêt, ce qui était déjà considéré comme ne pas vivre en terre chrétienne, ils avaient des relations qui étaient parfois conflictuelles avec la population des villages voisins, et en plus, ils n'avaient pas du tout leurs mêmes horaires. C'était des gens qui travaillaient pendant la morte saison agricole, c'est-à-dire en hiver, parce qu'en hiver, le sol est à moitié gelé, et donc le bois est beaucoup plus facile à transporter. Vous ne vous enlisez pas dans la boue, dans les chemins. Et par conséquent, les transports de bois ou de sacs de charbon de bois, se font en hiver. En plus, ces gens étaient tout noirs, ils étaient noircis par le travail. Ils vivaient entre eux, dans des villages qui n'étaient pas en torchis, mais qui étaient des cabanes essentiellement faites de végétaux, donc très différentes des maisons voisines. Et donc, il y avait des tensions considérables, à tel point que dans bien des cas, les villageois refusaient l'enterrement de ces charbonniers dans l'espace saint, qui était le cimetière associé à l'église. Et donc, on considérait que c'était des populations qui étaient à demi païennes. Là, c'est notre cimetière. Ça, c'est la grande chance des protestants. Comme on était protestants, on n'avait pas le droit de s'enterrer dans le cimetière catholique. Donc, on était obligé de s'enterrer chez soi. Et beaucoup de tombes sont dans les maisons. Et quand on a un peu de place, elles sont dehors. On est à quel endroit là, Jeanne? On est là. Là. On est même exactement là. Ce petit pont là. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente la forêt dans le territoire des Cévennes? 95% de l'espace. D'autant plus que avec la guerre de 14-18, avec la dépopulation, beaucoup de terres ont été abandonnées et elles ont été colonisées par la forêt. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, vous allez le voir, quand on regarde autour de nous, on verra que des arbres. Et par moments, ça peut même être étouffant que de voir que des arbres. Alors ça passe mieux quand on voit des arbres de formes et de couleurs différentes, déjà. C'est plus acceptable. Mais c'est vrai que de temps en temps, il faut qu'il y ait des lieux vides. Tout le monde en a besoin. C'est pour ça que la coupe rase, ça peut être aussi intéressant. Qu'est-ce que vous avez décidé ce jour-là de faire une coupe rase sur une partie du territoire de votre forêt? Parce que si je voulais... Ou je laissais les choses dans l'état, comme beaucoup de gens le font aussi, ou je décidais... C'est-à-dire ne pas intervenir sur la forêt? Ouais, ne rien faire. C'est aussi un peu la particularité de ce territoire, des Cévennes? C'est la particularité de la forêt française. Parce que les trois quarts du temps, les gens ne savent même pas qu'ils sont propriétaires forestiers. Ça s'hérite, une forêt. C'est un monde très spécial. C'est quand même plus de 30% du territoire. On n'a pas de ministre. Pourquoi? Parce qu'on dépend du ministère de l'Agriculture pour le prix du bois. On dépend du ministère de l'Environnement pour tout ce qui est gestion de l'eau, gestion des sols, gestion du paysage, gestion de la... On dépend aussi quelque part du tourisme parce qu'il y a beaucoup d'opérations de tourisme rural qui se passent sur la forêt. On dépend de Bercy, ça, comme tout le monde. Et en fait, cette forêt, elle produit du bois. Mais elle produit aussi de l'air, de l'eau de qualité, de la retenue de l'eau aussi. Parce qu'on va le voir avec le changement climatique, on aura besoin d'avoir des arbres qui retiennent l'eau. De l'air de qualité, on fixe le carbone. Et ça, c'est pas payé. Le seul produit que le propriétaire récupère dans sa forêt, c'est le produit bois. C'est quand même ahurissant. Et là où c'est le plus magnifique, c'est qu'aujourd'hui, le prix du bois, c'est le même qu'en 1970. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont d'accord pour travailler pour le même salaire qu'en 1970. Donc je pense qu'à un moment, il faudra quand même bien que l'État, la collectivité, réalise que ce qu'on appelle des valeurs non marchandes, elles ont une valeur, ne serait-ce que le risque non catastrophe. Quand une forêt nous empêchera d'avoir des inondations cruelles, dangereuses et tuant des gens, comme on l'a vu, il faudrait être capable de chiffrer ça. Parce que si on voit que le produit bois, forcément, on va se retrouver confronté au même problème que l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va faire de la forêt intensive, et ce ne sera plus de la forêt, ce sera la culture d'arbres. Quand on entend les écologistes nous dire qu'on intervient trop sur nos forêts françaises et que du coup on détruit notre patrimoine... Ouais. De quel millénaire parle-t-il? Est-ce que c'est pas, ça relève plus de l'imagerie, que de l'imagination que de la réalité? Je veux dire, ces positions sur la vieille forêt, la forêt native, la forêt primitive, ça mélange des concepts aussi complètement différents. Là, on est pas loin de Walt Disney, hein. Donc c'est une nature idéalisée, idéologisée, avec Bambi au milieu qui pleure. Évidemment, tout le monde pleure avec Bambi. C'est très facile comme argument, mais on peut pas mélanger la forêt de Fontainebleau avec l'Amazone, c'est pas possible ça. Et si on veut continuer à se promener dans les forêts, eh bien, il faut les gérer, les forêts. Surtout dans des pays où il y a une densité démographique comme la nôtre, parce qu'on sait très bien que si on ne s'en occupe pas, personne ne le fera. Qu'on fasse la Grèce, par exemple, ou le Portugal avec des incendies de dingue, parce que la forêt n'est pas gérée. Pensez comme les écologistes américains, dont le maître mot est « let it burn », c'est-à-dire « laissez-les brûler », c'est... De mon point de vue, c'est totalement criminel. Faire penser que si on ne touche pas une forêt, elle sera plus naturelle que si on la gère, c'est un contresens total. Fontainebleau, c'est une forêt totalement artificielle. La forêt de Fontainebleau, elle est née du caprice d'un roi, et personne ne s'en plaint, tout le monde se promène dedans. La forêt des Landes est caricaturale de ce point de vue-là, puisqu'on est parti de rien, donc on a fabriqué une forêt. Il y a une flore, une faune qui s'est installée grâce à cette forêt, et qu'on vienne pas me parler de l'artificialisation. Il n'y avait qu'une espèce d'oiseau dans les Landes marécageuses, une seule. Parce que comme il n'y avait pas d'arbres, il ne pouvait pas se poser, donc c'était la seule espèce d'oiseau qui nichait au sol. Aujourd'hui, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux dans la forêt d'un Lande. Gestion, c'est un terme un peu managérial, mais... Pour l'instant, on n'a pas trouvé autre François chose. François-Xavier Drouet. Bon, les mots sont importants parce que Par exemple, il y a beaucoup de forestiers qui préfèrent parler de récolte plutôt que d'exploitation. Le terme officiel, hein, c'est le terme convenu pour le fait de couper les arbres. On parle d'exploitation qui renvoie à une logique minière. Récolte, on est dans quelque chose de plus doux finalement et de plus en intelligence avec le vivant. Parce que, même si c'est du vivant, il y a quand même beaucoup de paramètres humains, économiques, qui rentrent en jeu, et un choix est financier. Et un choix fait intervenir beaucoup de paramètres. Donc, quelqu'un qui s'occupe d'une forêt, il a à la fois des connaissances botaniques, évidemment, des connaissances forestières, des connaissances du bois et de son marché, et des connaissances commerciales. C'est vrai que beaucoup de forestiers disent que l'aspect commercial il a pris de plus en plus de place dans leur métier au détriment du domaine forestier proprement dit. L'Amazonie n'a rien de comparable à la forêt des Landes ou à la forêt des Alpes. Là aussi, la déforestation, un mot sur la déforestation, pour contredire toutes les images et les clichés qu'on entend sur le sujet. La déforestation, elle est dans tous les pays où la forêt est publique. Là où il y a la forêt, la propriété de l'État, là il y a la déforestation. Amérique latine, Afrique, Asie, partout où il y a de la propriété privée, à moins que le propriétaire en question soit complètement cinglé, il va pas détruire la forêt qu'il a depuis des générations. Là où il y a de la forêt privée, il y a de la gestion. On peut pas comparer la situation de la forêt française dans les Alpes, à Fontainebleau, dans les Vosges, ou dans la forêt de Brocéliande, à l'Amazonie, aux forêts d'Afrique du Sud, aux forêts d'Indonésie ou de la Chine. Faire ces amalgames-là, c'est criminel. Intellectuellement parlant, c'est criminel. On a toujours en tête les problèmes de la déforestation dans les zones tropicales. C'est pas vraiment ça l'enjeu ici en France. La surface forestière est plutôt stable. Mais la question, c'est vraiment quel type de forêt on veut, comment le bois est récolté. Bon, on a souvent en tête, par exemple, qu'un arbre égale un arbre. Or, si on fait une coupe rase, par exemple, si on coupe à blanc une forêt naturelle, diversifiée, et qu'à la place, on met une monoculture de résineux ou d'eucalyptus, ça n'a rien d'écologique. Si on récolte du bois beaucoup trop jeune, même si on replante après, ça n'a rien d'écologique. Donc la question, c'est vraiment comment on s'occupe de la forêt et comment on récolte le bois, si c'est avec des techniques extrêmement impactantes, comme avec ces machines énormes qui peuvent faire de gros dégâts, surtout avec la pression qu'ont les exploitants sur les épaules, ou si on le fait de manière raisonnée, en revenant plusieurs fois, avec du matériel adapté au sol. Alors, nous allons faire un voyage dans le temps. Les maîtrises des eaux et forêts sont créées au Moyen-Âge avec le but de mettre en place à la fois une protection des bois, mais surtout un contrôle des bois. Alors, ces maîtrises des eaux et forêts ont mauvaise réputation. Les agents des eaux et forêts sont souvent détestés puisque c'est ceux qui verbalisent, qui réglementent. Martine Chalvet. Donc, un nouveau système a été créé, une administration des eaux et forêts a été créée au début du 19e siècle. C'est une administration qui est centralisée, hiérarchisée, dont les agents ont été formés, et notamment les officiers des eaux et forêts ont eu une formation à l'école des eaux et forêts qui est créée en 1824 et ils se présentent donc comme des experts des forêts. Dans ce cadre-là, cette fonction de contrôle devient moins importante que la fonction d'aménagement et aussi de production. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette administration des forêts a pu apparaître pour certains dirigeants comme un corps plus totalement adapté aux besoins de la société des Trente Glorieuses, de la société d'après-guerre. Donc en 1964-1966, cette administration des eaux et forêts est totalement réformée et il y a la création de l'ONF, l'Office National des Forêts, qui n'est pas une administration, qui est un établissement public autonome à caractère industriel et commercial. Il en tire un revenu et c'est ce revenu qui alimente l'office. L'administration des eaux et forêts au XIXe siècle est rattachée au ministère des Finances. Et je trouve que c'est très intéressant puisque ça montre quel est, dans la vision de l'époque, le rôle des eaux et forêts, le rôle de la forêt aussi. Pour l'État, la forêt est un apport financier. Dans les années 1880, cette administration est rattachée au ministère de l'Agriculture. Donc là, on est dans une production qui n'est certes pas la production agricole, mais qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et l'ONF a été aussi rattachée au ministère de l'Agriculture. Et bien sûr, quand apparaît le ministère de l'Environnement, donc dans les années 70, l'ONF et les autres structures administratives qui travaillent sur la forêt n'ont pas été rattachées au ministère de l'Environnement. Tiens, tu vois, c'est intéressant là parce qu'on voit les essences différentes, on voit les feuillus, on voit les résineux, on voit une grande tache sombre au milieu, grise. Ça, c'est la châtaignerie morte. Le bois sec, là, ouais. Le bois mort, ouais. Un peu plus blanc. Ouais. On voit du douglas, on voit du chêne rouge, on voit du merisier et on voit du cèdre. Et derrière, on voit les Cévennes, on dirait une mer, hein, avec les vagues. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une immensité d'arbres et tout. Et que même quand tu coupes, vous imaginez ce que c'est qu'un hectare ? Là, c'est même pas... Ça représente même pas un millimètre. Donc il faut arrêter, quoi, les grandes coupes rases. L'interdiction des coupes rases, c'est une bêtise. Parce que sinon, si ça prend feu, là, rien ne l'arrête, le feu. Alors que si on fait jusqu'à 10-12 hectares, on peut couper. On va voir en face. Parce que ça repousse. Mais oui, ça repousse. Ah non, mais c'est l'obligation. Alors aussi, pour un propriétaire forestier, quand il fait une coupe rase, il a l'obligation que dans les 4 ans, la régénération se soit installée ou qu'il est reboisé. Donc, c'est pour ça, des garanties, il y en a. On ne fait pas n'importe quoi. Je ne crois pas qu'il y ait un seul forestier qui soit heureux de travailler dans une monoculture de sapins. En tout cas, il y en a beaucoup qui me disent que, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de travailler dans une forêt diversifiée, étagée. J'ai rencontré beaucoup de forestiers qui travaillaient dans des grosses structures, dans des coopératives notamment, et qui sont partis pour aller travailler à leur compte parce qu'ils n'en pouvaient plus finalement de travailler dans ces forêts industrielles. Et c'était pas pour ça qu'ils avaient choisi ce métier, c'était pour être proche de la nature, pour récolter du bois parce que c'est une matière vivante, pas parce que c'est un matériau inerte comme du plastique. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de souffrance qui n'est pas dite. Je me suis rendu compte que le milieu forestier, c'est un milieu où il y a une grosse omerta. C'est pas bien vu de se plaindre, c'est pas bien vu surtout de cracher dans la soupe. Et puis surtout, c'est un peu dangereux de critiquer la scierie ou le client ou les industriels parce que tout le monde est interdépendant. C'est encore plus vrai à l'ONF, qui au départ était un corps militaire, hein, où les agents sont des fonctionnaires assermentés, évidemment soumis à un devoir de réserve, et seuls les délégués syndicaux ont le droit à prendre la parole publiquement. Donc ça n'encourage pas le débat, ça n'encourage pas surtout le questionnement sur le modèle forestier. Par exemple, le fait de récolter des douglas à 40 ans, alors que c'est comme récolter du blé en herbe, alors que c'est bien en deçà de leur optimum écologique et technologique, et non à 80 ans comme on devrait le faire, ça questionne tout le monde. Mais c'est le marché. Poser ce débat-là sur la table alors qu'il n'est jamais posé, sauf au café du coin, c'est quelque chose qui dérange quelque part. Et alors quand vous dites qu'on ne vit pas de la forêt, vous n'avez jamais vécu de votre forêt ? Mais personne ne vit de la forêt. Je suis sûre qu'en France, on n'a pas 100 personnes qui vivent de la forêt. Et de toute façon, les 100 personnes qui gagnent de l'argent avec la forêt, elles vont le réinvestir dans leur forêt. Mais alors quand on n'est pas comme vous, Jaline Bourrailler, qu'on ne coupe pas soi-même ses arbres, on ne fait rien. On fait rien, ou on donne à couper ses arbres, on fait des coupes rases et on ne reboise pas forcément parce qu'on n'a pas les moyens de reboiser, parce que ça coûte très cher. C'est pour ça que je viens avec votre forêt. Mais non, mais c'est pour ça que je dis, il faut absolument prendre en compte toutes ces choses qui aujourd'hui n'ont pas de chiffres, mais qui sont... on a la chance d'être dans la région Occitanie, c'est la région européenne la plus riche en biodiversité. Les huiles essentielles, ici elles étaient récoltées, tout ça, on l'a abandonné. On est dans Dans l'économie du bois, on est dans la même économie qu'avec les piges du Sermonte. On pompe la matière première et on casse tout et on ne valorise rien sur place. Un proverbe dit chinois, vaut mieux, je ne sais pas d'où il vient en réalité, mais il dit « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». C'est-à-dire qu'on s'intéresse infiniment plus à ce côté catastrophique, à ce drame qui est de couper un arbre, plutôt qu'à la forêt qu'on vient de planter et qui pousse en silence, et qui va remplacer tous les autres, qui jeunes, vigoureux, et pas des vieux décadents et grabataires. J'ai vu des panneaux il y a 10 ou 15 ans où il était marqué ONF égale SS. Parce que c'était une zone de coupe. Oui, et puis c'était. Mais parce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'un arbre puisse mourir. Et alors qu'il meure pas de sa mort naturelle, ça, c'est un scandale. Mais Dieu merci, l'espèce humaine, enfin, nous mourrons parce qu'il faut bien faire de la place aux autres. Donc heureusement qu'on meurt, c'est la mort qui permet la vie, ben, c'est la même chose pour un arbre, il faut l'accepter. Mais comme on a divinisé les arbres depuis le paléolithique, on n'arrive pas à accepter qu'on puisse tuer les dieux. C'est que cet arbre qui disparaît, vous savez que vous ne le reverrez jamais plus. Parce que un arbre qui a, comment dire, traversé tellement d'histoires, de tempête, de gel, qui a vu passer peut-être Charlemagne, Napoléon Ier. On ne va pas battre un arbre comme ça. C'est un témoin de votre histoire. C'est un témoin de l'histoire. De votre histoire et de l'histoire. Il a été assassiné parce qu'il y a des huguenots. Il a fait protestant. Et voilà. Moi, je pense que la forêt et la nature, de façon générale, même si je ne passe pas là, se débrouillent tout seuls. Mais nous aussi, on fait partie de cette nature, de cette forêt. Donc, c'est vrai qu'on a un équilibre à trouver avec eux. Cette végétation, c'est une végétation non contrôlée. Les arbres n'ont pas été coupés, mais sont tombés, ont fait de l'humus, etc. Et à un moment donné, ben, les espèces indigènes ont pu sortir et chacun s'est débrouillé un petit peu comment il pouvait. Et c'est plus... oui, j'aurais tendance à... pas un maquis, mais quelque chose qui est abandonné. Dans cette maison, dans cette grande maison. Non, il y a trois habitations. Donc là, on vit à plusieurs ici. Donc la première, c'est là où vous entreposez les châtaignes et qu'on a transformé en habitation, et c'est Fred qui habite là. Ça, c'est ce qu'on appelle la maison commune. Et donc là, il y a une éolienne puisqu'on est en autonomie d'énergie. Et voilà donc la grande maison. Hello. Philippe Simon. Juste un petit détail technique pour le four. Ouais. Avant de lancer la bouffe. En casserole, le poulet. Alors vous êtes arrivé ici comment, vous ? Comment je suis arrivé En fait, je vivais sur Bruxelles. J'avais une bouquinerie. Et 6 mois par an, je partais en voyage. Et j'allais plutôt, alors là, on peut le dire, en forêt. Donc, je marchais. J'employais aucun moyen de transport. Et j'ai été dans la forêt de Kalimantan, enfin la partie indonésienne de Bornéo. J'ai marché dans les hautes terres en Papouas. J'ai traversé le Laos et je suis remonté dans le Yunnan jusque pratiquement le Sichuan à pied. Enfin voilà. Mais alors, comment vous définiriez la forêt, vous, Philippe Simon ? D'abord, je dirais qu'une forêt, ça n'existe pas. Il y a des forêts. Donc l'Europe, elle est plutôt connue pour ses forêts qui sont des forêts travaillées, qui ont été plantées, qui sont l'œuvre de l'homme. Et il n'y a plus beaucoup de forêts primaires, il y a des petits mouchoirs de poche comme ça un peu. Et puis il y a la catastrophe qu'il y a, aussi ce qu'on appelle les forêts industrielles, quoi. Qui... Dans quel endroit ? Ben, un peu partout, quoi. L'état des lieux, c'est une catastrophe. Il suffit de regarder là-haut. On voit quoi ? Des Douglas. C'est un terrain de l'ONF, c'est planté de Douglas en veux-tu en voilà, et on sait très bien ce que ça veut dire. La terre, elle est morte en dessous. Et en fait, on voit bien que le Douglas, il est importé. Et que si on fait des éclaircies dans une plantation de Douglas, on va voir surgir d'autres arbres qui sont là. Et la diversité, quand on a une monoculture, on n'a pas de diversité. C'est le principe même. Voilà, si vous mettez tous pareil en rang, on a une armée ou une culture. On n'est pas dans des oasis ici, hein. Je veux dire, tout le monde dit ouais, c'est beau, c'est trop chouette, ouais, c'est formidable. Mais on n'est pas dehors. Je veux dire, ici, on est massacré aussi. Hein. Je veux dire, les coupes à blanc, on n'est pas en train de refaire le monde ici. La menace, elle est réelle, quoi. Que ce soit l'empoisonnement, la pollution, les dégâts matériels, on n'entend que ça. Et face à ça, il y a... Bon, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'êtes pas protégé ici. Non, pas du tout. Alors que ça donne cette sensation. Oui, et ça donne aussi la sensation qu'on pourrait, un petit groupe comme ça, se mettre ensemble et puis se dire, allez, on va faire une commune sympathique et ça va être formidable et tout. Au milieu des arbres. Au milieu des arbres, voilà, avec des moutons ou des chèvres. En fait, aujourd'hui, pour moi, quand je parle d'économie, c'est qu'il n'y a plus de dehors, on est dedans. Et c'est bien de ce dedans-là qu'on peut essayer d'envisager qu'est-ce que ce serait des brèches dedans. Un peu comme Notre-Dame-des-Landes, donc c'est l'expérimentation, c'est plutôt vivre. Voilà. Qu'est-ce que c'est être en contact avec du vivant et du vivant, entre guillemets, à l'état brut. Là, moi, j'ai un petit jardin, il vient de se faire ravager par deux chevreuils, il n'y a plus d'ardin, quoi. Tu plantes une graine dans un jardin, et ben soudainement, tu es déjà dans un rapport de soins, tu vas la regarder, tu vas attendre qu'elle sorte de sa dormance, tu vas la voir grandir, il y a une relation qui se crée, mais tu ne peux pas partir. Et cette relation de dépendance, soudainement, elle devient fondamentale. C'est plus du tout une question de liberté au sens moral et hors de toi. C'est plus je m'ancre dans un lieu, plus quelque part je suis aussi appelé à aller ailleurs, bien évidemment. Mais cet ancrage-là, cette relation-là avec le vivant, elle devient fondamentale. Et moi, avec ma compagne, on a vécu quand même 4 ans en pleine forêt, on peut dire, ici dans les Cévennes, donc une forêt de châtaigniers comme ici. Et en fait, c'était un rapport extrêmement quotidien. C'était le fait d'apprendre à couper son bois, le fait d'apprendre à remonter des murs en pierre sèche. Mais moi, je le vois à travers ma pratique de la pierre sèche, par exemple, en tant qu'artisan bâtisseur. Et je pense que les bûcherons qui ont une certaine sensibilité, sans doute partagent cette perception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mains touchant la matière façonne aussi la manière dont on a de réfléchir et de penser. Et je pense que quelqu'un qui tronçonne, ou qui scie même, allons jusqu'à l'extrême, qui scie ou qui utilise une hache pour abattre un arbre, il a une autre perception de cet arbre que celui qui va utiliser cette abatteuse dans sa cabine climatisée avec un joystick où, en fait, il est coupé de la matière. La matière, il la touche jamais. Ce qu'il touche, c'est la machine. Et la machine, on pourrait dire, viole la matière. La machine vient couper de manière extrêmement violente l'arbre, la matière de l'arbre. Et donc, c'est pas pour dire qu'il faut revenir à des formes d'artisanat moyenâgeuses, et d'ailleurs, pourquoi pas, mais il s'agit de dire qu'il y a bien deux perceptions ennemies du monde qui s'affrontent face à la matière, et je pense que c'est construit culturellement dans cette société, et à un moment donné, l'homme occidental s'est coupé de la matière, même s'il prétend la maîtriser et en avoir une grande connaissance, en fait il ne la connaît pas. Ah, il y a des fois que c'est silencieux, que vous n'entendez que le bruissement des feuilles. Ah, il y a des fois que c'est silencieux, la forêt. J'ai toujours été solitaire dans ma vie. Oui. Ah, puis j'ai plaisir à travailler. Il me tarde d'être dans le bois le matin. Et le dimanche, il me tarde qu'il soit lundi pour aller dans le bois. Quand j'ai tenu la tronçonneuse à 8 heures, je ne suis pas fatigué du tout. Je me sens très bien. L'été, quand les journées sont très longues, lorsque je déjeune dans des restaurants, vous savez, on a mangé à 1h30, et l'été, en plein été, vous ne reprenez pas de suite. En principe, tous les ouvriers font la sieste. Et je fais de la musique 1 heure ou 1h30. C'est-à-dire que mon violon reste dans ma voiture. C'est pour cela qu'on m'a volé un Stradivarius l'année dernière. Parce que c'était bien un Stradivarius. C'était pas de copie. Vous avez des violons qui portent copie de Stradivarius, copie de Guernerus, copie de X, de X. Mais c'était Stradivarius. Je ne pensais pas que ce soit un Stradivarius, vous comprenez. J'aime jouer de la musique seule. Nous faisons partie de la forêt, nous aussi, de la même manière. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a cela à reconquérir pour pas que cet espace-là devienne uniquement des parcs. Reconquérir, c'est ça, se retrouver, en fait, notre nature humaine, mais qui est une nature de forêt, végétale et tout. On sent, on respire, on voit. On perd toutes ces notions d'écouter, d'entendre. Pourtant j'ai dû perdre au niveau auditif puisque c'est quand même un certain âge, mais je peux entendre un bruit très très bien. Je peux dire quand la rivière est plus grosse que etc. Vous pourrez passer sur ce pont, vous pourrez pas passer. Rien que je sens toutes les odeurs. On a perdu toutes ces choses là. Ça veut dire qu'on n'est plus forêt. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'on a à reconquérir et je pense que du même coup. C'est tout qu'on va regagner, c'est-à-dire c'est à la fois l'écriture, c'est à la fois la poésie, c'est à la fois la musique, c'est à la fois le fait d'être, exister. C'est pas plus compliqué que ça. Ellul, qui est un philosophe théologien, ici protestant qu'on connaît beaucoup, qui était très important et qui a marqué un grand nombre de personnes, même des politiques, disait « exister, c'est résister ». Exister, c'est résister. C'était la série documentaire Des arbres et des hommes. L'homme de la forêt. Avec André Corvol, historienne, Claude Lagarde, agent forestier de l'ONF, Jean-Baptiste Vidalou, bâtisseur en pierre sèche, Philippe Simon, cinéaste, Jacques et Colette Verset, berger, Janine Bourali, propriétaire forestière, Martine Chalvet, historienne, Christian Pinaudot, ex-secrétaire général de la Maison de la Forêt à Bordeaux. François-Xavier Drouet, réalisateur. Merci à Sabine Dailleron pour les archives INA. Merci à Estelle Ferrari de la documentation, à Véronique Lafalère, Maria Contreras, Vanessa Chang de la Bibliothèque Centrale de Radio France. Merci à la revue BOG et à Anne Berthet du réseau Alternatif Forestière. Prise de son Nicolas Mathias, Jérémy Tuil, Yvan Turc. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. LSD, à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous réécouter dans les bois, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, l'arbre à loques guérisseur. Mais en attendant, restez à l'écoute.